Il n'y a pas à dire, le vélo, c'est idéal pour profiter du paysage. Certains font le tour du monde en 10 jours. Nous, on a décidé de prendre notre temps. C'est bien de prendre son temps. On peut rencontrer plein de monde.